sais que chaque jour qui s'écoule ne revient en fait. Tenter de briller avant le dernier jugement, mais ça énerve les gens. Briller sans billet devient flippant quand on te regarde de façon bizarre. Rentrer dit bonjour, une mouche écrase, t'entends le blizzard. Ça devient plaisant pour pas être vulgaire. Qui sont ces cons qui disent vulgaire? Toutes ces coutumes anti-humanitaires. Sommes-nous ces tristes moutons qui acquiescent le cul posé sur le canapé en attendant le dessert? Es-tu cette femme dont les hormones sont déréglées, gelées le jour et nymphomane la nuit? Es-tu cet homme qui bat sa femme et se fout de ses mioches, qui chie sur l'autre et puis s'essuie? Merde, au fond c'est moche. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait. Arrête de te chercher des raisons, tous ces récits préfets te préfèrent mort. Le mort aux dents, la croupe à nu, tu saignes en dents et ça c'est vu. T'as peine à dire si j'avais su, préfère maudire la vie. Et ses vertus, tu t'accroches au vice plus qu'à ton fils et file le blues aux petites. On t'a dit vite, file au psy au lieu de te tendre la main. File et observe la beauté de l'être humain. Profite de chaque jour et on verra demain. Cherche la raison si t'es pas bien dans tes choses. Sûrement que t'es pas rien dans tes actes et que ça te rapproche trop vite du dernier acte. Enfin, c'est chaque cas, chacun, mais ça, ouais, chacun le sait. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait. L'ennui est fait pour fuir les soucis, combat l'ennui et les soucis envolés. Regarde la vie et non ses prétendants. Entends et sans les choses, réécoute, va sur le chemin, ouais. Mais sereinement, ne crois pas en ces temps modernes. L'homme et son règne te montrent. Si t'es habile, ne sois pas débile, car ici nul n'est indélébile. Et comme au fond chacun sait, pour être un homme c'est pas ça qu'on fait. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait. Chaque cas, chacun, mais chacun sait que chaque jour qui s'écoule ne reviendrait. Chaque glas pour chaque gars, la saga c'est. Chaque peine pour chaque caste qui s'agacerait.